Jardinero, bien fleo mande useo, adapté caoutchouc pour boutonné, accéléré pour plat jardinier, pour user jardin pour moi. Waouze jardin, jardinero, waouze jardin. Accélérez vos plans, jardinier, vous êtes allé en pour moi. Jardinier, oh, jardinier, vous êtes allé en pour moi. Manigas et vos plans, jardinier, vous êtes allé en pour moi. Vous allez allé en, jardinier, vous êtes allé en pour moi. Caoutchou à l'ombre, jardinier, vous êtes allé en pour moi. Caoutchou à quoi? Jardinier, jardinier, jardinier, jardinier.